Ici Franck Dessort, aujourd'hui l'histoire, Judith Jasmin, pionnière du journalisme au Québec. Ce qui compte le plus dans l'information, ce qui est le plus important, à mon point de vue, ce sont des faits. Ne pas essayer de faire ni des commentaires, ni des éditoriaux autour de faits, d'abord les faits. C'est la chose qui est la plus importante. À partir de là, le téléspectateur va se faire une opinion. Et je pense que un journaliste, même s'il a des idées à lui, ça n'a pas d'importance, s'il y a des faits à montrer, qu'il les montre. C'est ça l'objectivité, c'est presque la nudité du fait. Judith Jasmin, qui parle de l'importance des faits en journalisme le 8 mars 1972 à l'émission Format 30, cette rigueur, elle allait contribuer à faire d'elle un modèle non seulement pour les femmes, mais aussi pour l'ensemble de la profession journalistique au Québec. Née en 1916 dans un milieu plutôt bourgeois à Québec, décédée jeune, à 56 ans, fauchée par le cancer, Judith Jasmin a marqué toute une génération d'auditeurs et de téléspectateurs dans les années 50 et 60, par ses interviews bien sûr, mais aussi par ses reportages réalisés aux quatre coins du globe, toujours empreints d'une certaine humanité. À preuve, ce reportage diffusé au Radio-Journal le 4 juin 1968, la veille de l'assassinat de Robert Kennedy aux États-Unis. Trois millions de démocrates californiens, le soleil n'empêche pas les élections de suivre leur cours, votent aujourd'hui dans le cadre de ces pré-élections que sont les primaires. Ils ont le choix entre trois candidats, les sénateurs Kennedy, McCarthy et l'avocat général Tom Lynch, qui se dit libre mais qui est l'homme de Johnson, donc de Hubert Humphrey. Jusqu'à 6 heures hier soir, les deux principaux adversaires, Kennedy et McCarthy, pour qui cette élection est vitale, ont parcouru l'État doré en tous sens. Vous ne l'avez peut-être pas connue, elle est morte il y a près de 30 ans, mais encore aujourd'hui, son nom est synonyme de qualité, de grandeur d'âme. Judith Jasmin a marqué le Canada français, comme on le disait à l'époque, durant les années 50 et 60. D'abord comédienne, elle a ensuite incarné le journalisme radio-canadien dans ce qu'il a de meilleur. Avec elle, des générations de Québécois ont découvert le monde. Les États-Unis en pleine mutation des droits de l'homme, la décolonisation en Afrique, l'émergence des Caraïbes. Mais Judith Jasmin, cette femme passionnée, n'a pas eu la vie facile. D'abord parce qu'elle a dû s'imposer dans un monde dominé par les hommes. Ensuite parce qu'elle a choisi toute sa vie de mener un journalisme de combat, sans compromis. Les derniers sondages, on sait que ces poules sont devenus les outils indispensables de toute élection, donnent Kennedy favori avec 39 % McCarthy 30 % et 18 % à Lynch. La voix de Judith Jasmin, et juste avant, on entendait celle d'un autre grand journaliste, Jean-François Lépine, qui lui rendait hommage à l'émission Zone Libre le 9 mars 2001. Judith Jasmin, donc, qui a donné son nom, entre autres, à un prix de journalisme et aussi à un pavillon universitaire, c'est, on peut le dire, la première femme grand reporter au Canada, mais c'est aussi une femme profondément engagée qui a mené plusieurs combats au cours de sa vie. Et pour les évoquer avec nous, je reçois Marie-Lou Tanguay, qui est candidate au doctorat en histoire à l'UQAM et collaboratrice à la revue Histoire engagée. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous poser la question d'emblée. Oui. Qu'est-ce qui pousse une jeune femme comme vous, dans la vingtaine, à vous intéresser à un personnage, Judith Jasmin, qui est morte maintenant il y a 47 ans? C'est une très bonne question. En fait, Judith Jasmin, je pense que son parcours peut inspirer même des femmes comme moi d'une génération, d'une autre génération, par ses combats qu'elle a menés, même si en tant que jeune féministe, mes combats sont quand même assez différents. Il y a quelque chose d'inspirant dans sa carrière, dans sa vie personnelle qui me parle fortement. Donc, une inspiration encore de nos jours. Et on le disait d'emblée, Judith Jasmin, un personnage intéressant, un personnage singulier, issu d'un milieu aisé, d'une famille, est-ce qu'on peut le dire, avant-gardiste? Je dirais oui, une famille assez avant-gardiste. Quand on se penche un peu sur le personnage, surtout de son père et sa mère aussi, là, son père Amédée Jasmin, justement, qui est quand même une figure que finalement, plus on creuse et plus on voit les multiples ramification de son implication qui a beaucoup de conséquences sur la vie de Judith Jasmin. C'était un homme très, très progressiste. Hein? Oui, anticlérical. Anticlérical. impliquée beaucoup dans les combats socialistes de l'époque. Socialiste, ce qui était quand même assez singulier. Là. Effectivement. Ouais. Il va se prononcer avec des Laurent Hamel contre la Montreal IT Ten Power. Il va vraiment donner ses services. Il est notaire, en fait. Donc, comme vous l'avez souligné, c'est quand même pas une famille d'agriculteurs et tout ça. Là. Judith vient vraiment d'un milieu quand même assez aisé, très éduqué. Et puis, son père, justement, va vraiment toute sa vie influencer Judith dans ses combats qu'il a menés. Ça va être une grande figure d'inspiration pour elle. Elle a vécu une partie de sa vie en France, de son enfance. Ça l'a marqué beaucoup aussi, ça, je pense. Hein. Effectivement, quand on parcourt, comme j'ai pu le faire pour la chronique, la correspondance de Judith Jasmin, son fonds d'archives, et les lettres même échangées avec sa famille, ce départ pour la France en 1921 va être vraiment marquant pour elle, mais toute sa famille, qui voue vraiment une admiration à ce pays de culture, qui a vraiment une proximité aussi avec le milieu intellectuel de France. À titre d'exemple, j'évoquais son père, là, ses accomplissements, mais en allant en France de 1921 à 1929, il va retourner aux études à la Sorbonne. Vraiment, l'éducation va vraiment être dans la famille des Jasmin, avec ses frères et sœurs, ils sont trois. Judith Jasmin qui a cherché sa voie pendant un certain temps. Hein? Ça n'a pas été évident. Il n'y a pas eu de vocation automatique. C'est plutôt une littéraire au départ. On l'a poussée vers le théâtre. En fait, sa famille, d'ailleurs. Hein? Elle l'a poussée vers le théâtre où elle a fait ses marques. Mm-hmm. Et en 1938, il y a un rôle qui va vraiment faire d'elle une star, une étoile à l'époque. C'est celui d'Élise Welder dans La Pension Welder, qui était un radio-roman très, très populaire à l'époque de Robert Choquette. Si vous le voulez bien, on peut en écouter un extrait diffusé le 2 septembre 1940. Et elle parle ensuite de son propre passage au théâtre. Quand je lui ai parlé d'Alexis, pourquoi n'ai-je pas dit tout, absolument tout? Je lui ai dit ce qu'Alexis avait fait l'autre hiver, l'année dernière. J'ai parlé de cette ignoble entreprise, des stylos vendus sous de faux prétextes. Mais par mon silence, j'ai laissé entendre, j'ai presque affirmé que sa conduite était devenue irréprochable. Je faisais un peu de théâtre amateur, une façon de se récréer. Et je jouais également certains rôles, dont celui d'Élise Welder, qui a été le plus... peut-être le plus long, en tout cas le plus connu, parmi les rôles que j'ai pu jouer à cette époque-là. Donc, c'était la période théâtrale de ma vie. Et j'ai rencontré, en faisant du théâtre de cette façon-là, un tout jeune comédien qui s'appelait Guy Moffett et qui venait d'être engagé comme réalisateur à Radio-Canada. Et c'est lui qui m'a demandé de venir à Radio-Canada, faire comme lui. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Mais entre la possession de ces étranges photographies qu'il avait cachées sous le tapis du passage... et la hâte qu'il a mise à détruire sa propre photo. Comment croire qu'il n'y a aucune relation? Une belle voix, celle de Judith Jasmin, tirée de l'émission Les Maillons de la chaîne, le 6 avril 1969. On l'entendait donc commenter. Mais ce n'est pas une vocation, comme on le disait, Marie-Lou Tanguay, pour elle. Et donc, elle bascule en quelque sorte vers le journalisme. C'est un peu accidentel, ça. Effectivement, toute sa carrière, même des entrevues qu'elle va mener vraiment plus tard, là, vers les années 70, elle va dire que c'était une journaliste accidentelle, par accident. Au départ, elle se prédestine même pour la chimie. Judith a vraiment une passion pour les sciences pures, comme elle le dit. Puis, faute d'argent de sa famille marquée par la crise économique, son père va l'inciter à faire des études plus vers le milieu du théâtre, les lettres, le journalisme même, parce que c'est moins onéreux. Donc, c'est un peu comme ça qu'elle va connaître le milieu du théâtre. Elle va fouler les planches de théâtre comme celui de Saint-Henri. Donc, ça va être vraiment son premier contact avec le théâtre en 1936. Et déjà, en 1938, c'est un exploit, elle reçoit le rôle de, justement, Élise Welder dans La Pension Welder. Et pour ce qui est du journalisme, elle fera une rencontre marquante qui est celle de René Lévesque. Effectivement. Dès que Judith, en arrivant dans le milieu du théâtre, va commencer à faire des chroniques à la radio, donc elle va connaître ce milieu-là. Et en 1947, elle va se faire approcher par Gérard Arthur pour intégrer le service international de Radio-Canada, alors appelé La Voix du Canada. C'est là qu'elle va rencontrer un jeune journaliste de 24 ans, qui est alors peu connu, qui est René Lévesque. Ça va être une rencontre vraiment marquante dans la vie de Judith Jasmin, mais de René Lévesque aussi. Ils vont tisser ensemble une grande complicité professionnelle, mais on peut le dire aussi personnelle, amoureuse. Oui. C'est une grande passion, René Lévesque, pour Judith Jasmin. Une grande passion qu'elle va vraiment détailler dans son journal intime. Donc, on a accès à cette relation, mais aussi au rôle que représente René Lévesque dans la vie de Judith. Et cette grande complicité, on peut la sentir dans cet échange entre René Lévesque et Judith Jasmin dans l'émission « Votre choix » du 7 octobre 1966. On l'écoute. Est-ce que ces premières années-là, la télévision n'était pas plus intéressante qu'aujourd'hui? Nous, par exemple, on est en train d'enregistrer une émission qui va passer après. À ce moment-là, on faisait tout en direct ou à peu près. Oui. On avait toujours l'impression qu'on pouvait se casser la figure et qu'il fallait cette tension-là de ne pas manquer son coup parce qu'il n'y avait pas de reprise. Tandis qu'aujourd'hui, on s'en va de plus en plus vers le filmé. Puis le... Je veux dire qu'on s'est un petit peu embourgeoisé. Non, mais c'est mis en boîte. Est-ce que c'est aussi intéressant de faire des émissions d'avance que de les faire? Moi, je crois qu'il y a un plaisir à être lancé là, dans le direct qu'on n'a pas toujours maintenant. On n'a pas toujours cette occasion-là. Quelquefois, ça arrive encore, mais c'est moins souvent. Et ça, c'est vrai. Mais le public aussi a changé. Je veux dire qu'il était plus neuf aussi, le public. Il était plus neuf devant ces choses-là. Maintenant, il est un peu saturé, il faut dire. Parce que du reportage, il en a vu beaucoup, des entrevues. Il est peut-être un peu saturé. Donc, on attendait Judith Jasmin avec René Lévesque, avec des réflexions encore pertinentes pour notre monde audiovisuel d'aujourd'hui. C'est intéressant. Sur la saturation, notamment de l'auditoire. Bon, bref. Judith Jasmin, première grande reporter au Québec, sinon au Canada, on peut le dire. Oui, au Canada, oui. Et ça l'amène un peu partout, ça, à aller aux États-Unis, au Moyen-Orient, à parcourir la planète. Et c'est vraiment comme ça qu'elle va faire sa marque sur le plan journalistique. C'est vraiment ces reportages, justement, à l'étranger. Au départ, elle commence à Carrefour avec René Lévesque dans une conception du journaliste qui est quand même assez novatrice, les faits avant les opinions. Mais elle va parcourir avec notamment Carrefour quand elle va aller en Haïti. Elle va interroger aussi, elle va aller en Inde. Ça va vraiment être les reportages en Inde. Elle va prendre 3 mois sans solde, puis elle va rapporter des reportages d'une grande qualité qu'elle a fait vraiment avec peu d'équipement pendant un congé. Et puis, ça va vraiment augmenter sa notoriété une fois qu'elle revient à Montréal. Elle va vraiment présenter les réalités, par exemple, d'un pays qui est encore très méconnu pour les Québécois, Québécoises. Là. L'Inde, on n'a pas accès à cette réalité-là facilement. Elle fait découvrir le monde entier. Elle fait découvrir là, le monde, mais il faut mettre ça en perspective aussi. Ouais. On commence à voir la télévision 53, Carrefour est une émission qui va passer de la radio à la télévision. En 54, 40% des familles québécoises ont la télé, donc c'est vraiment un changement. Et puis, on va beaucoup montrer que Carrefour et le rôle de Judith Jasmin dans cet accès au monde pour les Québécois québécoises. Et vous l'avez dit, l'un de ses reportages marquants, c'est celui qu'elle a réalisé en décembre 59 en Haïti. Hein, oui. Ça rappelle l'imagination de toute une génération, ça. Depuis 2 ans, à ce moment-là, Haïti est sous la dictature de François Duvalier. Oui. Et elle n'hésite pas à se promener dans les rues de Port-au-Prince, par exemple, pour s'adresser aux citoyens, à l'homme de la rue, à lui poser des questions, comme dans cet extrait, justement, qui a été diffusé à l'émission Premier Plan. Monsieur Cazot, nous avons rencontré, grâce à vous d'ailleurs, plusieurs Haïtiens dont la vie est assez dure, quelques-uns étaient chômeurs, etc. Mais quel est le caractère du Haïtien devant tant de difficultés? Ces Haïtiens que vous voyez, même il y en a qui travaillent, par exemple, peut-être 4 mois sur l'année, mais avec la musique qu'il aime, le tambour, etc., la guitare, les choses comme ça, il aime à bambocher. Vous savez ce qu'a dit bambocher? Oui, on comprend bien ça, on connaît ça au Canada aussi. Vous dire que vous êtes gay? Comment? Vous êtes gay dans l'ensemble? Ah oui, dans l'ensemble, on est toujours gay ici. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais on est toujours gay. Est-ce que c'est parce que vous êtes un peu insouciant du lendemain, vous? Mais bien, c'est-à-dire, le pays est comme ça, les hommes sont nés comme ça. Ils sont comme ça, ils sont toujours dans la croix. Parce que je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont libres. Ils se sentent réellement libres. Je ne sais pas si c'est pour ça. Mais on se sent avec une gourde de goût dans la poche. On peut prendre un petit clairin, n'est-ce pas? Alors là, on est... Le petit clairin, ça joue un grand rôle dans votre vie, ça? Ah oui, le petit clairin, ça, c'est quelque chose... Qu'est-ce que c'est, ça, de clairin? Eh bien, c'est fait avec la canne à sucre. C'est un rhum comme le gin, par exemple. C'est tout blanc. Ah, c'est un petit rhum... Ouais, un petit rhum. Petit rhum populaire. Populaire. On peut avoir ça pour 1 centime, un petit verre. Judith Jasmin, donc on le disait, hein, toujours des reportages empreints d'une certaine humanité. Oui. Hein, on le voit bien là-dedans. Judith Jasmin, donc, est la seule des reporters de l'émission à se rendre à l'étranger à cette époque-là. Oui. Elle ira ensuite en Espagne, à Cuba, en Algérie, aux États-Unis, hein, où elle fera des reportages sur la ségrégation raciale, assez marquants également. À la rencontre des Autochtones également, ça c'est intéressant. Ça. C'est ce qui était vraiment nouveau aussi. C'est une réalité que les gens ne connaissaient pas du tout. Là. C'est des reportages village marquant, à un moment donné, va avoir moins de financement alloué pour les émissions Champs libres, par exemple. Et c'est là qu'avec son collègue Marcel Blouin, elle va parcourir aussi le Québec. Donc là, ça va être vraiment un autre journalisme que Judith Jasmin va faire. Elle va aller dans les réserves Innu. Elle va rencontrer plusieurs communautés des Premières Nations. Puis elle va présenter cette réalité-là qui est méconnue souvent pour les Québécois, Québécoises. Elle a reçu beaucoup de lettres pour ces reportages-là. D'ailleurs, je trouve ça super intéressant de le mentionner. Des lettres de personnes qui disent qu'ils la remercient de présenter cette réalité qui est assez poignante des communautés autochtones. Mais on parle des reportages, Marie-Lou, mais on peut parler aussi des nombreuses entrevues qu'elle a fait avec des personnalités à l'époque, des grands artistes, Salvatore Dali, Orson Welles, Ionesco, Hergé. C'est un bourreau de travail. Hein. Elle a des journées absolument infernales. Elle travaille sans arrêt. Elle publie aussi dans la presse écrite. Oui. Mais c'est justement cette boulimie de travail, qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est pas un peu un exutoire? Parce qu'elle avait une grande solitude aussi, je pense, sur le plan personnel. À la fin de sa vie, Judith Jasmin va se prononcer sur ça, que pour elle, il y a beaucoup de ses amis qui vont lui reprocher de trop travailler, de trop en faire, de trop en prendre. Ce qu'elle va dire, c'est que pour elle, le journalisme, ses reportages, ses entrevues sont pour elle sa vie. En fait, elle a pas de famille, elle a pas d'enfants, elle a pas de mari. Donc pour elle, elle dit que c'est sa vie, c'est ce qui la motive, c'est ce qui l'anime même carrément. Donc pour elle, c'est certainement ça cache à l'intérieur d'elle-même une espèce de... Elle se jette dans le travail corps et âme pour échapper à une certaine peine de ça. Elle se confie dans son journal intime qu'elle aurait aimé avoir une famille, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Donc, ce travail est vraiment un exutoire, comme vous l'affirmez. Ouais, et sa famille, c'est le journalisme, mais qui lui a été, qui a eu beaucoup de gratitude à son endroit. De retour au Québec, après ses longs périples, comme ça, elle remporte le prix Olivier Asselin, remis par la Société Saint-Jean-Baptiste. Et ça, ça l'a beaucoup touchée, C'est un prix qui a une valeur symbolique importante pour elle et pour toutes les femmes à l'époque. Et puis, dans une entrevue justement à l'émission Femmes d'aujourd'hui, elle expliquait le 15 mars 1972 la signification qu'elle donne à ce prix-là. D'abord, les honneurs, on n'en a pas tous les jours. Celui-là m'a fait plaisir parce que j'avais l'impression que c'était davantage les miens. C'était pas tellement officiel. Il y avait pas, vous comprenez, c'est pas un prix donné par... un État ou un gouvernement ou une association très officielle. Là, Saint-Jean-Baptiste, ça reste quelque chose, je dirais presque de familial, de tribal. Et je suis aussi d'accord avec beaucoup des buts que poursuit la Société Saint-Jean-Baptiste, comme la langue française, la primauté de la langue française, des choses comme ça. Moi, je suis bien d'accord. Alors, tout ça fait que c'est un prix qui m'a fait plaisir. Et aussi la façon dont ça m'a été donné au milieu d'un concours d'amis très chaleureuse, ça a été agréable. Judith Jasmin, donc, qui allait décéder, 7 mois, je pense, après cette entrevue accordée à l'émission Femmes d'aujourd'hui. Judith Jasmin, on n'en a pas parlé jusqu'à présent tellement, mais ça a été non seulement une grande journaliste, mais c'était une femme très engagée dans la vie, dans la société. On a évoqué brièvement au tout début aussi ses racines anticléricales, ça c'est très important pour elle. Oui, Judith Jasmin va s'impliquer dans le mouvement laïque de la langue française, justement, de 1961 à 1969. Elle va s'impliquer aussi dans plusieurs autres combats de l'époque qui vont, justement, on va même lui reprocher certaines fois de par le fait qu'elle est journaliste et qu'on arrive toujours à dire « Êtes-vous toujours objective? » Ouais. Donc, c'est toujours ça, mais elle va s'impliquer à titre personnel. Elle va toujours le préciser que c'est à titre personnel, mais dans 1964, contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle va même se faire emprisonner pour ça, une trentaine d'heures d'emprisonnement. Et puis, elle va être vraiment fière. Quand elle va revenir à Montréal, elle va être fière de ça parce que c'est pour elle important, cet engagement. C'est intéressant, ça, parce qu'effectivement, il y a un apparent paradoxe. On a commencé d'ailleurs cette émission avec cet extrait où elle parle de l'importance des faits. Ouais. Elle est de l'école américaine vraiment pour ça. Mais en même temps, elle est très, très engagée et ça ne lui semble pas du tout contradictoire, ça, avec l'éthique journalistique. Aucunement, même pour elle, elle va se prononcer sur cette incarcération aux États-Unis, va lui donner l'occasion de donner une conférence au Cercle des femmes journalistes, puis elle va faire une super belle présentation sur l'engagement en journalisme, puis elle va montrer dans sa conférence comment c'est pas contradictoire, que pour elle, ce qui ressort dans ses témoignages, puis même avec René Lévesque, c'est la mission d'éducation du journalisme que les médias ont, ce rôle-là de rentrer dans les maisons des Québécois, Québécoises, et de vraiment permettre une éducation populaire. Et puis elle va dire que il y a toujours le, elle va toujours se retirer dans, elle va exprimer les deux côtés de la médaille, comme elle va dire, mais elle va toujours vouloir être engagée socialement, même dans ses témoignages, comme un témoignage sur l'avortement dans les années 50 quand même là. Et elle fait grandement confiance à l'intelligence du téléspectateur ou de l'auditeur aussi. C'est ça, ça. C'est important, oui, de le mentionner parce que elle va dire que souvent on prend les spectateurs, les téléspectateurs pour un peu des imbéciles, comme elle va textuellement l'écrire dans son journal. Donc pour elle, c'est important de leur donner les outils pour formuler leurs propres opinions. Dans quelle mesure, à votre sens, Marie-Lou, est-ce qu'il est vraiment, on peut vraiment la considérer comme une pionnière dans le monde du journalisme au Québec? Mais je dis, Jasmin, c'est clair qu'elle va être très humble par rapport à son rôle, la place qu'elle occupe dans ce milieu-là. Mais tu sais, il y a plusieurs entrevues qui ont été réalisées avec ses collègues qui vont souvent dire qu'elle a vraiment mis René Lévesque sur un piédestal et dire que lui a influencé, mais Gérard Pelletier, par exemple, va dire que c'est elle qui a influencé René Lévesque, puis même d'autres journalistes, certainement des femmes. Judith Jasmin se donnait un rôle de mentorer plusieurs femmes, mais aussi des hommes qui vont souvent se prononcer par la marque qu'elle fait partout où elle passe, sur sa rigueur journalistique, sur vraiment sa diction impeccable, sur sa capacité à chercher l'information. Puis plusieurs de ses collègues, hommes et femmes, vont se prononcer sur son impact. Hommes et femmes, mais on a parlé beaucoup de la contribution justement à la cause des droits des femmes. Ouais. Dans quelle mesure est-ce que justement les femmes ont bénéficié de ces combats-là? Mais je dis, Jasmin, tant pour ce qui est intéressant, comme vous l'avez dit, c'est tant ça... carrière professionnelle de journaliste qui va faire des reportages sur l'avortement, qui va interroger des femmes artistes aussi, de donner une voix à ces artistes-là, mais aussi sur son temps personnel. Elle va aller à des marches pour les droits des femmes. Elle va vraiment dire si mon rôle... Des fois, elle a eu des portes un peu fermées qu'elle va vouloir ouvrir, comme elle va être correspondante à l'étranger à Washington, puis elle va s'offusquer de pas pouvoir aller au Press Club parce que c'est vraiment encore en 68, fermée aux femmes. Mais Judith, encore une fois, au lieu de se plaindre, elle va agir. Elle va écrire des lettres au directeur puis dire « ça n'a pas d'allure que vous me refusez l'accès à ces salles-là ». Et puis elle va utiliser sa connaissance, elle va voir le président de la Tunisie et puis elle va dire « vous qui avez permis l'affranchissement des femmes, trouvez-vous ça normal que moi, je ne peux pas aller dans cette salle-là ?» Et puis, c'est lui qui va la faire entrer dans le Press Club. Alors, volontiers provocante, là. Oh, oui, elle va vraiment utiliser ça, puis elle va vraiment pas se gêner pour faire passer ses messages. Et autre ça, on l'a dit, bien sûr, aussi une grande influence sur l'ensemble de la profession journalistique au Québec et au Canada. Oui, effectivement. Notre invitée, Marie-Lou Tanguay, candidate au doctorat en histoire à l'UQAM. Merci beaucoup de votre participation. Et ça me fait plaisir. Voilà, c'est ce qui conclut cette émission d'aujourd'hui d'Histoire. À la recherche, Caroline Morin et Éric Saint-Pierre. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Ronald Georges et Pascal Michaud. À la technique, Pierre Lévesque. Aujourd'hui, l'histoire est une réalisation de Mathieu Beauchamp. Et si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Franck Dessort, à la prochaine.